إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم استنوا L'évidence du témoignage que Dieu est un est ainsi cité dans le Coran. Allah atteste de même que les anges et les doués de science qu'il n'y a point d'autre Dieu sauf lui et qu'il est en vérité le mainteneur de la justice, point d'autre Dieu que lui le Tout-Puissant, le Tout-Sage. Ceci signifie que réellement il n'y a d'autre adoré que Allah, Dieu seul et unique. Le mot « la ilah », aucun Dieu, délie tout ce qui est adoré à part Dieu. Et le mot « illallah », sauf Allah, confirme l'adoration d'Allah, Dieu seul, sans aucun associé, dans son adoration, tout comme il n'a pas d'associé dans son royaume. Les versets suivants du Coran illustrent une explication supplémentaire sur l'unité de Dieu. Allah dit, et quand Ibrahim dit à son père et à son peuple, « Je suis innocent de tout ce que vous adorez, sauf de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera dans la bonne voie, et il... » C'est-à-dire Ibrahim, laissa cette croyance en héritage à ses descendants, puisse-t-elle les inciter à revenir sur le droit chemin. De même, cette citation divine dans le Coran dit « Ô partisans du Livre Saint, venez nous entendre ensemble, nous mettre d'accord sur un terme commun entre nous, que nous n'adorions que Dieu seul, et ne rien lui associer sans désigner ni adorer d'autres dieux parmi nous autres que Dieu, et s'il s'éloigne et évite tel accord, dites, soyez témoins que nous sommes des soumis à Dieu. » L'évidence de la seconde partie du témoignage ou attestation que Mohammed est le messager d'Allah est ainsi cité dans le Coran. Il vous a été envoyé un messager de parmi vous très peiné de l'adversité que vous souffrez, très désireux de vous sauvegarder, compatissant et miséricordieux pour les croyants. La signification du témoignage que Mohammed est le messager d'Allah, c'est de se soumettre et d'obéir à tous ses ordres et instructions, c'est croire fermement tout ce qu'il annonce, c'est éviter complètement tout ce qu'il interdit, c'est n'adorer Dieu que suivant ses préceptes et lois. L'évidence concernant la prière et la zakat, ainsi que l'interprétation du monothéisme, est ainsi citée dans le Saint-Coran. Ils n'ont reçu d'ordre cependant que pour adorer Allah très pieusement, fidèle à sa religion à laquelle ils penchent, sincèrement de pratiquer régulièrement l'office de la prière et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture et de justice. L'évidence concernant le jeûne est ainsi prescrite par Allah dans le Saint-Coran. Ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit et ordonné comme il l'avait été pour ceux qui vous ont précédé, puis cela vous incitait à être plus pieux. L'évidence concernant le pèlerinage est ainsi citée par Allah dans le Coran. La prescription d'Allah à tous les êtres humains est de faire le pèlerinage à sa maison, obligation qui incombe à celui qui en a la capacité et les moyens. Et quiconque mécroit Dieu, alors n'a aucun besoin de tous les mondes qu'il a créés, de toutes ses créatures. Le deuxième degré, al-iman, la foi absolue en Dieu. Il se compose de plus de 70 branches, dont la plus haute est le témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et la toute dernière branche de la foi est d'éloigner tout obstacle nuisible se trouvant sur les chemins. De même, la pudeur modeste est une des branches de l'iman. Les piliers de l'Iman sont au nombre de 6. La ferme croyance en Dieu, en ses anges, en ses livres saints, en ses messagers, au jour du jugement dernier, au destin qu'il soit bon ou mauvais. L'évidence concernant ces six piliers de l'iman est ainsi citée par Allah dans le Coran. La piété n'est pas de tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la piété est dans la foi en Dieu, au jour du jugement dernier, aux anges, aux livres, saints et aux prophètes. Elle est aussi chez celui qui dépense sa fortune, qu'il chérit, en faveur de ses proches parents, des orphelins, des pauvres, besogneux, des voyageurs pour la cause de Dieu, des mendiants et des esclaves, pour les émanciper. De même chez celui qui pratique régulièrement l'office des prières, qui acquitte volontiers az-zakat. De même aussi ceux qui font honneur à leur engagement et remplissent les promesses qu'ils donnent, ceux qui patientent dans la détresse et les malheurs et pendant les maladies et durant les guerres, ceux-ci sont les vrais croyants et ceux-ci aussi sont les pieux. L'évidence concernant le destin est ainsi mentionnée par Allah dans le Coran. Nous avons créé toutes choses suivant des mesures et des proportions que nous avons fixées d'avance. Le troisième degré, l'ihsan, c'est-à-dire la charité, la bienfaisance et la surveillance de soi, l'ihsan ne comprend qu'un seul pilier, celui qui consiste à adorer à Dieu comme si vous le voyez. Et si vous ne le voyez pas, lui, il vous voit. L'évidence dans le Coran est la suivante. Oui, Dieu est avec ceux qui sont pieux et ceux qui sont charitables, bienfaisants. Et voici une autre évidence divine dans le Coran. Fais confiance absolue au très cher, puissant et tout miséricordieux qui te voit et t'observe quand tu te lèves pour la prière et quand tu es parmi les adorateurs prosternés, car il est l'auditeur, l'omniscient. De même, l'évidence divine suivante dans le Coran. En quelque situation que tu te trouves, et quelque lecture que tu récites du Coran, et quelque œuvre que vous œuvriez, nous sommes témoins sur vous quand vous vous y lancez. Voici aussi une évidence de la Sunna. Ensemble des paroles, faits, et actes et instructions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la fameuse histoire, suivant très reconnue, de l'ange Gabriel, d'après Omar ibn Khattab, puis Dieu est satisfait de lui, il raconta. Pendant que nous étions un jour assis chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, apparut soudain parmi nous un certain homme portant des habits tout blancs, ayant des cheveux très noirs. Aucune trace d'un long voyage ne paraissait sur lui, et personne parmi nous ne le reconnaissait. Il s'assit en face du prophète, que Dieu le bénisse par sa grâce et sa paix, appuya ses genoux contre ceux du prophète et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et dit « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. » Le prophète répondit « Que tu témoignes qu'il n'y a d'autre Dieu sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu pratiques régulièrement l'office de prière, que tu payes al-zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage au sanctuaire sacré si tu as les moyens de le faire. » L'inconnu lui dit alors « Tu as dit la vérité. » Nous sommes alors étonnés de cette situation. Il le questionne, puis il l'approuve. Il lui demanda ensuite, « Informe-moi sur la foi, l'iman. » Le prophète répondit, « Que tu crois en Allah, aux anges, à ses livres saints, à ses messagers au dernier jour, et au destin, avec tout ce qu'il comprend de bon ou de mauvais. » Puis il demanda, « Informe-moi sur l'ihsan. » Il lui répondit, « Que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. » Il lui demanda ensuite, « Informe-moi sur la dernière heure du monde. » Il lui répondit, le questionné n'en sait rien autant que le questionneur. Alors il lui demanda, « Informe-moi de ses indices. » Il répondit, « Quand la femme esclave donne naissance à un enfant qui sera sa maîtresse, que vous verriez de même les va-nu-pieds, les dépouillés, les parasites et les pauvres bergers devenir riches et se rivaliser à bâtir de grands immeubles. » Omar continue, « Après ce dialogue, L'étranger partit et la parole, et nous restâmes pensifs quelques instants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'adressa alors la parole, « Ô Omar, sais-tu qui est ce questionneur ?» Je répondis, « Dieu et son prophète sont seuls au courant et savent plus que nous. » Alors il dit, « C'est Jibril, il est venu vous apprendre tout ce qui concerne votre religion. » On reprend. Donc, alors l'auteur, Cheikh Mohamed Abdullah, rahmallah, il dit, il fait délire le shahada, donc l'argumentation du témoignage. Bon, le texte de Rousseau, on n'a pas besoin de retraduire. S'il n'y a pas les commentaires de Cheikh Ben Baz, hafidhahullah, je ne le traduis pas, je le dis directement en arabe, parce qu'on l'a déjà traduit. Et en gros, il n'y aura pas beaucoup de commentaires parce que ça a été commenté que lorsqu'il a énuméré les piliers la dernière fois. Mais là, lui, il argumente les piliers. Alors que Cheikh Ben Baz avait déjà commenté ça. C'est pour ça qu'il n'en aura pas beaucoup. Donc, Fadalil al-Shahada, l'argument du témoignage. Et là, Cheikh Ben Baz, il dit, هذه الصفحة تابعة المتن وقد تقدم شرحها فيما مضى. Cette page-là, elle suit le texte de Mohammed Abdel Wahab et elle a déjà été commentée Normalement, puisqu'on a vu la traduction, ça doit, hein, les termes arabes doivent quand même commencer à entrer. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين المرتبة الثانية الإيمان إلى شهب البازي هو ما يتعلق بالقلوب في ce qui concerne les cœurs من التصديق بالله de croire fermement avec véracité en Allah وأنه رب العالمين et de reconnaître fermement qu'il est le Seigneur des mondes وأنه هو المستحق للعبادة et qu'il est celui qui est en droit d'être adoré والتصديق بالملائكة et de croire fermement avec véracité aux anges وبالكتب et les livres وبالرسل et les messagers وبالبعث بعد الموت et de la résurrection après la mort والجنه والنار et au paradis et en enfer وبالقدر et au destin خيره وشره bon ou mauvais كل هذا يتعلق بالقلوب tout ceci concerne c'est du domaine des cœurs فهو أصل من الأصول التي لا بد منها donc c'est un fondement parmi les fondements qu'il est une obligation d'avoir فلا إسلام إلا بإيمان. Il n'y a pas d'islam sans iman. ولا إيمان إلا بإسلام. Et il n'y a pas d'iman si ce n'est avec l'islam. Les deux vont de pair. فلا بد من هذا وهذا. Il faut celui-là et celui-là. Il faut l'islam et il faut l'iman. L'un sans l'autre ne va pas. لا بد من إسلام الجوارح. Obligatoirement, il faut la soumission des membres. ولا بد من إسلام القلوب. Et obligatoirement, il faut la soumission des cœurs. وإيمانها من la croyance. ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم. Et c'est pour cela qu'Allah a assemblé entre les deux dans son livre, dans son saint livre. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم. De même, en a fait le messager صلى الله عليه وسلم. ذكرهما جميعا il l'a cité entièrement فالإسلام هو الانقياد الظاهر l'islam la soumission c'est un rabaissement une soumission apparente بطاعة الله hein qui se montre par quoi par l'obéissance à Allah وترك معصيته et le délaissement de sa désobéissance والإيمان يشمل الأعمال الباطنة والإيمان qui est la croyance hein, elle comporte les actes intérieurs مما يتعلق بالقلوب parmi ce qui concerne les cœurs وتصديقها et d'en donner la véracité c'est d'y croire conformément ويطلق الإسلام على الإيمان et parfois on sous-entend par l'islam al-iman. Wa yutlaqu al-iman ala al-islam. Et parfois, on sous-entend par l'iman al-islam. Parfois, on emploie le terme iman, on sous-entend le sens de l'islam. Parfois, on emploie le terme islam, on sous-entend le sens de l'iman. On l'a déjà vu ça. Vous vous rappelez? Non? Personne s'en rappelle. Personne s'en rappelle? La vie, tu t'en rappelles pas. Al-islam ou al-iman. On a dit que l'islam, en premier lieu, sa compréhension c'est quoi? C'est ce qui concerne l'extérieur. D'accord ? Tout ce qui est apparent. Wal iman, c'est l'intérieur. Parfois, on peut avoir un verset ou un hadith où il y a le terme islam, mais avec la compréhension de l'iman. Vous avez compris là ? Et vice versa. Hein ? Voilà. C'est ça qu'il veut dire. Donc des fois, ils sont synonymes et des fois, ils ne le sont pas. Mais l'un va avec l'autre dans tous les cas. D'accord ? Donc le premier sens, c'est le sens le plus général. Mais il ne faut pas sans oublier que parfois, l'un veut dire l'autre. Il se peut que l'un veut dire l'autre. فَإِذَا قِلَ الْإِيمَانُ عَمَّ الْجَمِيعَ وَإِذَا قِلَ الْإِسْلَامُ عَمَّ الْجَمِيعَ قَالَ تَعَالَى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Donc, s'il est dit que l'iman a englobé le tout, et s'il est dit que l'islam, il a englobé tout, hein, Allah dit, certes la religion auprès d'Allah c'est l'islam, la soumission. فَيَعُمُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ. Et ici ça englobe tout ce qui concerne l'intérieur et l'extérieur. وَهَكَذَا الْإِيمَانِ إِذَا أُطْلِقَ. De même pour l'iman, si il est dit globalement l'iman, عَمَّ الْجَمِيعَ, il englobe aussi le tout. D'accord ? لقوله صلى الله عليه وسلم pour la parole du prophète صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح dans le hadith authentique, الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. La foi c'est plus de 70 branches. La meilleure c'est de dire لا إله إلا الله, il n'y a de Dieu qu'Allah. Et la plus basse c'est d'enlever l'obstacle du chemin, et ça, ça fait partie des domaines apparents. C'est dans le verset. Et le rentrer dans l'iman. Vous avez compris ? Donc, quand l'iman, il est dit globalement, l'iman, là aussi, il englobe tout l'islam. Et quand l'islam est employé globalement, il englobe l'islam et l'iman. C'est très important à savoir ça. C'est bien à savoir. فالإيمان هنا يعم الجميع. Donc, l'iman là, il englobe tout. فَيَعُمُّ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ, il englobe les piliers de l'islam. وَيَعُمُّ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ, il englobe tous les actes, toutes les œuvres apparentes. كَمَا يَعُمُّ الْبَاطِنَةِ, comme il englobe les actes et les œuvres intérieures. كَمَا أَنَّهُ يَشْمَلُ الْإِحْسَانِ, et de même, il englobe aussi dans son intérieur l'ihsan, qui est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui, il te voit. C'est très dur à traduire ce terme-là, l'ihsan. Il y en a qui terminent par la bienfaisance. Parce que des fois, il veut dire bienfaisance. Mais là, dans ce sens-là qu'on veut, c'est dur de trouver la traduction. L'excellence, et ainsi de suite. Mais une fois que le frère il a compris le sens, on peut laisser le terme arabe. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui, il te voit. D'accord. On revient au texte. المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان. إلى شيخ بن باز حفظه الله دي. أما الإحسان, ce qui concerne l'ihsan, c'est la perfection, le perfectionnement de l'adoration apparente, que ce soit du côté apparent ou le côté intérieur. Là vraiment la personne cherche la perfection. Et c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le vois. فَإِنَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. فَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عَلَى هَذَا الْإِسْتِحْدَارِ, فقد أدرك مرتبة الإحسان. Donc, celui qui adore Allah avec cette en ressentant la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il arrive au degré de l'ihsan. C'est dur, mais c'est un travail. C'est vrai. D'adorer Allah comme si tu le voyais. Mais dans ta prière, dans ton adoration, tu, pendant toute ton adoration, tu sens la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas faire quelque chose jusqu'à tu sens la présence d'Allah. Et ça, c'est un degré de d'humilité que qu'a l'homme dans son adoration. Celui qui arrive à ce degré-là, il arrive au degré de l'ihsan. واجتمع له الخير كله et tout le bien s'est assemblé à lui, celui qui est à la base de ça. Là ouais, eux ça c'est quoi le khair? Pour nous le khair, pour nous on pense à autre chose. Le khair c'est ça, c'est qu'il arrive à ce degré là, ça c'est ça, il a tout le khair que tu veux de plus. Comme قال الله سبحانه, comme le très glorifié a dit, Allah le très glorifié a dit, إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Car Allah est avec ceux qui craignent et avec ceux qui sont bienfaisants. جل إن رحمة الله قريب من المحسنين. Et Allah, le Tout-Puissant, dit, certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. والآيات في هذا المعنى كثيرة. Et les versets dans ce sens-là, il y en a beaucoup. Donc, المرتبة الثالثة والإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبست مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.